Hello. Hello et bien bonsoir Sophie. Salut Philo, incroyable mais vrai. Coucou, nous revoilou. On est reparti pour une nouvelle série d'émissions Jukebox. Voilà, on va essayer même de s'y tenir. Aujourd'hui, Joe est encore absent parce qu'il est tombé en panne de voiture. Hein, ben voilà, ben oui. Puis il habite loin, il n'a pas pu venir à pied. Ouais, c'est difficile de venir à pied jusqu'ici, ça fait une paire de kilomètres. Et comme vous le savez peut-être pas, Johnny est mort, voilà. Ah bon ? Oui, Johnny est mort. Ah bah tu vois, j'ai pas TF1, alors j'ai pas su. Alors on va se débarrasser tout de suite, on va lui rendre un petit hommage. Je peux intervenir deux secondes ? Oui. Alors il y a peut-être des plus jeunes auditeurs qui ne vous connaissent pas. Jukebox, c'est quoi ? C'est qui ? Bonjour. Oulala, l'historique de l'émission ? Alors, non mais au moins... Vite ça fait quand même longtemps qu'on vous a pas entendu sur les ondes de Gamozo. Ça fait 2 ans. Un petit rappel. Deux ans, moi je pensais qu'il y avait 1 an et demi, mais oui, il y a eu de l'eau qui est passée sous les ponts. Alors c'est une émission qui a été créée par... Loulet. Et... Loulet, moi je l'ai faite avec lui à un moment, mais c'est lui qui a créé l'émission. Par Sophie, voilà, ouais. Qui s'appelait Jukebox of the 60s, donc qui... 50s. 50 of the 50s, donc qui... Oui, en plus... qui concernait toute la musique rock, rockabilly des années 50. Oui, il a démarré plus rock'n'roll et puis petit à petit ça a glissé sur country, bluegrass. Country, bluegrass, americana et maintenant musique actuelle. Un peu à toutes les musiques qu'on aime. Oui, voilà, c'est ça. Oui, World Music, même les émissions que tu as faites avec lui, c'était très éclectique et très varié. C'est éclectique, voilà. Ce n'est pas forcément purement américain, contrairement à ce qu'on pouvait... Il y en a un paquet, mais voilà. Bon. Voilà. C'est un peu une base. Quand Joe est là, il y a un peu plus de jazz, un peu plus de choses... Blues, un peu plus pointu peut-être. Voilà, nous, on va commencer par aujourd'hui par Johnny Hallyday. T'as craqué, hein. Ah, j'ai craqué. Non, c'est un disque de 84. Alors, je pense que c'est l'album qui a été le moins petit vendu. Rappel, quand même, t'aimes bien, tu t'en la joues. Hein, t'aimes bien quand même te faire battre. Hein, c'est... ouais, mais là, c'est un peu particulier parce que c'est pas du Johnny classique. C'est un disque, ça doit être... Enfin, il paraît qu'il a enregistré plusieurs disques à Nashville. Mais celui-ci, il l'a enregistré pour une émission, l'émission de De Koon qui s'appelait, je sais plus le nom. Oui, Les Enfants du Rock. Et, ouh là là, ça date. Il l'a enregistré avec ses idoles, quoi. Donc, il y a des morceaux avec Carl Perkins, d'autres morceaux avec Emilio Harris, avec Tony Joe White, où il tient largement la route avec les Stray Cats. Okay. Et là, on va écouter un morceau qui est plus dans le style folk, qu'il a enregistré avec Don Everly des Everly Brothers. Ok. Et qui s'appelle Nashville Blues. Et je les ai vus, moi, les Everly Brothers, sauf qu'ils étaient totalement cacochis, mais c'était un désastre. Ouais. Heureusement qu'ils avaient des jeunes musiciens excellents. Ouais, mais je pense qu'ils sont toujours un peu comme ça. Enfin, je crois qu'il y en a un qui est mort, non ? Oui. Bah attends, moi, je les ai vus il y a 15 ans. Ils étaient déjà au bord de mourir, alors... Non, il y a un survivant, parce que j'ai vu qu'il y avait un site officiel des Everly Brothers encore. Tu sais, genre, ils chantaient, et puis d'un seul coup, la voix s'interrompait. Il n'y avait plus de son, alors t'en avais un autre derrière qui reprenait en vitesse. Oh là là, ça faisait pitié. Voilà, donc après avoir passé un titre de Sylvie Vartan il y a quelques années d'un album qui s'appelait Country, c'était juste le titre, la musique n'en avait rien à voir. D'accord. Là, c'est un morceau donc... Mais tu l'as écouté avant, tu sais qu'il est potable. Ah oui, celui-ci est largement potable. Bon, alors ça va. À savoir aussi que Johnny Hallyday, quand même, c'est celui qui a eu en première partie Jimi Hendrix durant 3 concerts. Hein, oui, non, non, Jimi mais Hendrix expérience. On ne dira pas que c'est pas une grande pointure. Il a toujours eu des excellents musiciens. Et pour la petite histoire, alors j'ai lu ça dans Libé, est-ce vrai, est-ce faux ? À ses tout débuts, alors qu'il cherchait des musiciens, il y a un minibus qui s'est arrêté devant l'Olympia où il jouait, et il y a quatre jeunes Anglais qui en sont descendus, ils venaient de Hambourg, ils lui ont proposé de jouer avec lui, et il a dit non, j'ai déjà ce qu'il faut, c'était les Beatles. Comme quoi, hein. Bon, donc on va y aller avec Johnny, comme ça ça sera fait, on sera débarrassé, on aura fait notre BA, Nashville Blues, avec on Don va se Everly. Faire plaisir, j'espère. Te montrer les rues Sally. All right, yeah. And tell her that I still care. I wanna see Peretta's Alley and dig all the cool spots there. I'm aching to be in old Tennessee. Yeah. I've got the Nashville blues. Yeah. Oh. Plutôt ça va. Pour du Johnny, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, ça ira. Ouais, je suis vraiment pas fan, hein, quand même. Mais bon. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Ça y est, c'est fini, c'est terminé, oui. On n'en parle plus. Tony Nara. Tony Nara. Écoute, Tony Nara, c'est le nom d'un groupe. En fait, c'est 5 Lyonnais qui ont monté un groupe de musique folk irlandaise dans les années 90. Et dans le groupe, il y a 2 frères d'origine arabe et il y a une petite influence. Bon, là, le premier morceau qu'on va entendre est vraiment du folk irlandais très classique. Et il y a des titres plus originaux. Mais c'est plutôt sympa. Et ils tournent toujours. J'ai vu ça parce que, bon, le groupe est né en 89. Hein, c'est pas tout récent. C'est pas tout jeune. Voilà. Donc ils sont pas tout jeunes non plus. Et ils ont. Ils jouent toujours. J'ai vu ça. Il y a un des frères, Hassani, qui est mort. En 2014, mais le groupe tourne toujours. Voilà, voilà. Donc, le premier morceau s'appelle Botany Bay. Farewell to bricks and mortars, farewell to dirty lies, farewell to gang and gangbang, so to hell with the overtime. For a good cheap ragamuffin, she's lying at the cave. Put the take out bad with the sharpness back to the shores of Botany Bay. I will my way down to the quay where the ship at anchor lays, to command a gang of navies as told to engage. I thought I'd drop in for a drink before I sail away. Put the take a trip on an immigrant ship to the shores of Botany Bay. Farewell to bricks and mortars, farewell to dirty lies, farewell to gang and gang belong to hell with the she's lying at the quay. Would you take that bath with the sharpness back to the shores of Botany Bay? A bus came up this morning, he said we'll bat you know. If you don't get your navy set, I'm afraid you have to go. So I asked him for me wages and demanded all my pay. But I told him straight I'm going to migrate to the shores of Botany Bay. Farewell to bricks and mortars, farewell to dirty lies. And when I reach Australia, I'll go and look for gold. There's plenty there for the digging, but so I have been told. Or ask back to my job and hang with the next old day. Because I live in a natal ship for the shores of Botany Bay. Farewell to motors. Farewell to the tea lights. Farewell to the gang gang. Balloons to hell with the old time. For a good drag and back behind. She's lying at the cane. Could you take her back to the shop? Back to the shores of Putney Bay. Déjà fini. C'est court comme morceau. Bon, mais c'est bien, c'est sympathique. Minutes. Donc tu me disais qu'ils mettaient le feu sur scène. Oui, apparemment c'est ce qui. C'est une réputation qu'ils ont de mettre le feu sur scène. Réputation qu'ils avaient, que c'était vraiment un groupe scénique. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, moi j'ai découvert ça dans ma CD Tech. Ouais, ouais. Je me dis, je vais essayer de trouver des. Alors des moi, trucs que je connais pas. C'est des trucs que j'ai redécouverts en fait en allant dans les salons de musique, etc. Il y a un tas de gens qui vous donnent des disques. Hein, d'accord. Dont, t'as le temps maintenant. Ouais. Il y a une nana qui était passée en coup de vent à notre stand et qui avait donné un disque en disant oh là là, c'est bien, je repasserai vous voir plus tard. Et je l'avais jamais revue. Et j'avais quatre disques de filles dont je savais pas d'où elles sortaient, dont deux qui étaient moyens, etc. Et cette nana-là, en fait, j'ai retrouvé l'album et je viens de le réécouter. C'est la première chanteuse de Moriarty. D'accord. C'est Elle a quel âge? Oh, attends. Oh. Pardon. Elle doit avoir, je sais pas, la quarantaine, quelque chose comme ça. C'est pas un groupe tout jeune non plus, Moriarty. Donc c'est la première chanteuse de Moriarty, donc qui a participé à la création du groupe. Alors après, pourquoi elle est partie, j'en sais rien. Et donc elle joue dans un nouveau groupe plutôt rock depuis les années 2012, qui s'appelle Charlie et The Vagabond. Donc Charlie, c'est son prénom à elle. Et Charlie et The Vagabonds, je pense que la radio a peut-être reçu un exemplaire de... Non ? T'as été oublié, Marcus ? Non, malheureusement, on n'a pas reçu. Voilà. Alors, c'est un peu rock, mais bon, elle a une voix. Hein, la caractéristique de Moriarty, elle a une très jolie voix. Voilà. Donc, le morceau s'appelle Ami. A-M-Y. Glasses with a broken heart, flying toward the stars. You stumbled on an acid trip, condemned by your success to sing and sing again. Your broken love. and drugs. It's sad, but now you're free. Oh, beautiful soul, oh, oh, rest in peace. It's sad, but now you're free. Oh, beautiful soul, rest in peace. Jolie voix. Jolie voix, et c'est enregistré live à Angoulême. D'accord. Dans un bar à Angoulême, ce qui est assez sympa. Hein. Au festival non, non, non. Non, comme non, ça. Non, non, non. Ah si, peut-être, c'était peut-être à Cognac, peut-être bien, au festival de blues de Cognac. D'accord. Bon, après, les morceaux durent un peu longtemps, donc moi, je passe pas des morceaux qui durent 3 heures. Pourquoi? Si c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu nous proposes quoi maintenant? Moi, je vous propose un petit Alejandro Escovedo. Ouais. Je ne sais plus où on en est, moi. Eh bien, c'est le morceau La plage. Le 4. La plage 4. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et le morceau s'intitule... Il s'appelle Sway. Puis c'est... Bon, c'est... Alejandro Escovedo, c'est plutôt rock. Mais le morceau-là, moi, je trouve qu'il tire plus sur le blues. Bah, vous me direz. Hein. Alors, Alejandro Escovedo, c'est quelqu'un qui est né en 51, qui a démarré la musique plutôt dans les années 90. Un mexicano-américain. Mais il a sorti son dernier album en 2016. Oui, et qui est guitariste. Et c'est un ami à... Ouais. Bah, ça y est, je l'ai oublié. À Susanna Schoeffel. Non, si, excellent. C'est un admirateur, il joue de temps en temps avec lui. Ouais. Alors Loulé l'a vu en concert, moi pas, j'avais pas pu y aller, je bossais, c'était dommage, mais bon, apparemment c'était pas mal. Ouais. C'est mais bien. Ouais, il était passé je sais plus où, mais pas hyper loin. Mais bon, voilà. Donc, Sway. Destroyed your notion of circular time. It's just that demon life has got you in its hood. It's just that demon life has got you in its hood. Ain't flinging no tears up on the dusty ground for my friends up on that burial ground. Getting so tired of being brought down. It's just that demon life has got you in its soul. It's just that demon life has got you in its soul. Just that demon life has got you in its sword. right in the bed next to mine. Girl that broke me up at the corner of her smile. It's just that demon life has got you in its soul. It's just that demon life has got you in its soul. Just that evil life has got me in its soul. Sympa, non? C'est sympa. On vient d'avoir une discussion avec Marcus pour savoir si le morceau, avec l'oreille avisée de Marcus surtout, si le, on voulait savoir si le morceau... Bah nous, on voulait rien savoir. On voulait rien savoir. Oui, c'est lui. Si le morceau était une reprise des Stones ouais, ou pas. Ouais, ouais. Et en fait... Il a fallu insister. Tu étais un peu incrédule sur le coup, là. Non, parce que je trouvais que ça avait des airs, quand même. Mais ça veut dire quand même que les Stones... font beaucoup de chansons qui se ressemblent. Hein, parce que... Non, il y a une paire de chansons qui sont... Enterre-toi. Quoi ? Enterre-toi. Non, tu vas voir, je vais te sortir une série de morceaux qui ont la même mélodie. Même Neil Young a un morceau avec cette mélodie-là. Enfin, en tout cas, ce morceau-là a été écrit par... Mais c'est toi qui avais l'oreille la plus avisée là-dessus, puisque le morceau a été écrit par Mick Jagger. Oui, les Stones, ça fait quand même partie des classiques. Hein. Oui. Voilà. Oui. On ne peut pas tout connaître non plus, des Stones. Non, mais c'est un classique. Tu as raison. On va passer à Joan Shelley. Alors, c'est une jeune artiste. Je n'ai jamais su si elle était américaine ou anglaise, en fait. Et elle a c'est une voix d'une douceur. Moi, j'ai assisté à son concert à Paris. Là, c'était un beau moment, sympathique. Mélodique, et puis il a une voix très charmante, charmeuse, une voix comme j'aime. Essayez de pas vous endormir sur ce morceau-là. Il y a des morceaux qui sont un peu plus enlevés. On va siroter une petite bière pendant ce temps-là. Peut-être se boire une petite bière avec modération. Et je vous rappelle que vous êtes sur Radio Gémozo, 107 FM. C'est bien ça. Hein, c'est bien ça. Et pour la petite histoire, elle est américaine. Elle est américaine, voilà. Hein, mais j'ai eu un doute au départ. Mais bon, allez, on y va. Le morceau s'appelle Where I'll Find You. Qui veut dire ? Où est-ce que je te... Je sais pas quoi. Est-ce que je te trouve ? Where find I feel you. Find. Feel. Ah, find you. I'll find you. Ah oui, parce que feel, je vous... I saw you there beside the light post, your shoulders square against the night's cold. I blamed the wind when my legs shook, but your eyes, that hungry look, it shot through me. Didn't you see? And now I dream of you and me out in the fall. Oh, is the fall? I see the ground we walked and claimed. I see the place that holds the weight the size of you. Oh, what I do. Tell me where to land, I'll aim this ship onto your sand, where I'll find you. To the banks and hold me safe from all the storms that form behind me out on the blank sea. Take my hand, my idle time, push them to plan. The forms to find that it was all we had to do. Reach the highest limb for fruit that was for you, only for you. Tell me where to land, I'll aim the ship onto. Where I'll find you. Tie me to the banks and hold me safe from all the storms that form behind me out on the blank sea. C'est clair. Ah, c'est super doux. C'est super doux, mais c'était une ambiance hyper cool, un petit lieu, 50 places à Paris, super sympa, le pop-up du label, et petit côté douceur, soirée d'été, on crevait de chaud. Qu'elle avait comme c'était musicien le 1er septembre. Un guitariste, le guitariste qui joue sur son album, là. Un guitariste, et puis... Et puis elle. Une espèce d'aura, là, bizarre, enfin, mm-hmm. Super chouette. On va retourner à nos Irlandais de Tony Mara. Tony Nara. Tony Nara. Ouais. Tony Mara. Tony Nara. Oui, Tony Nara, oui. Ouais. Personne. C'est pas le connaît, c'est le Tony. Oui, c'est bizarre, c'est le Tony. Il n'y a personne qui s'appelle Tony dans le groupe. Non, c'est... C'est curieux, ça. Bon, écoute, Tony, ils s'appellent bien comme ils veulent. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Ils s'appellent bien comme ils veulent. Ah, oui, oui, parce que le joueur de violon s'appelle Tony. Oui, sûrement. Et le guitariste qui joue aussi du Bonhorn et qui chante s'appelle Nas. Donc Na. Attends, j'ai pas fini. Et le guitariste, mandoliniste, banjoïste, harmoniciste, guimbardiste s'appelle qui Rachid. Fait le cœur s'appelle Rachid. Voilà. Donc Tony Nara. Et Ni, c'est qui Ni? Tony. Tony. Tony le. Parce qu'il y avait une fille aussi. Ils étaient cinq à l'origine. Ouais, mais les filles, c'est bien, ça compte pas. Ah, hein. Voilà, ça doit être ça. Ouais, bon, on les écoute pas alors. Donc finalement. Au départ, le groupe, ça. Le groupe Tony, ça peut être la fille. Hein. Hein? Tony, ça peut être la fille. Non, non, non, il y a une Estelle, mais Estelle, bon. Mais Tony Marshall, c'est une fille, hein, je suis désolé. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, c'était Tony, violon. Ouais. Nas, chant. Et Rachid. C'est donc, Nas qui est mort. Tony Nara. Voilà. Donc maintenant, il s'appelle les Tonina. Ben oui. Non, Tonira. Tonira. C'est Nas qui est mort. Ah oui, Tonira. Bon. Donc le morceau que je voulais vous faire écouter s'appelle Vagabondage. Et il est nettement moins classique que celui que vous avez écouté tout à l'heure. J'aime encore bien, moi, sur un CD, passer des morceaux différents. Parce qu'on essaye toujours de classer les artistes, mais... Ils sont parfois un peu inclassables. Ah ouais? Voilà, voilà. Donc, Vagabondage. I was born the year of 60 when the labor wars were over. Most states were independent, but the people were still chained. I made my way through schools and colleges, met people wise and sane. But my questions remained unanswered, so I let out for a change. I So why hitch down some highways around? But there was no car in sight. I tried to swim some rivers, but there were stinking and dry. So why it flew up high in the sky? I saw a spine satellite that was sent to invade home and soul, that was sent to rape our hearts. Universal hobo is what I am. Universal hobo in a vagabond age. And when I got homesick, I made up my mind to go back to the earth and to the lands where I was born. Then I heard Mike Scott whisper in my ears that home is in me wherever I roam. Like an ostrich dig a hole in the ground to bury my head so deep and so profound. Not a see the mess, not a hell that is around. Not a hear a shout, not even a sound. Universal hobo is what I am. Universal hobo in a vagabond age. And now that I said all the things that I should, and now that I hid in all the places where I could, is it time for me to choose and decide? Is it time for me to stay on the side? Universal hobo is what I am. Universal hobo in a vagabond age. Alors, eh ben, c'est, ah, c'est vachement moins classique que le morceau de tout à l'heure, donc c'est le même groupe, même CD. Même CD, même j'aime groupe. Encore bien. J'aime bien quand les. C'est pas mal. Les gens, ouais, si c'est sympa. J'aime bien le rythme derrière. Tu étais déjà allé voir Elliot Murphy, toi, au Festival des Grands? Oui, je pense. Hein, c'est, il y a dû passer 3-4 fois. Il y passe, il y a encore passé cette année, d'ailleurs. Eh ben oui, ben ouais. Je suis allé le voir, Elliot Murphy. T'es allé au Festival des Grands cette année? Ben oui, je vais. Je te racontais les histoires. Bah oui, depuis que je présente des artistes. D'accord, vous t'aurais pu me le dire, j'y serais volontiers allé aussi. Ouais, mais ça s'est passé dans la précipitation. Faudra que je vous raconte une histoire aussi. À propos du Festival des Grands. Enfin, ouais, presque dans le. On racontera après le morceau, parce que c'est... j'ai plein d'histoires à vous raconter là-dessus. Bah, tu peux raconter maintenant si tu veux. Hein. Eh ben, je suis allé voir Emilio Harris. Où à ça Craponne. Cette année? Ouais. D'accord. Ça s'est décidé la veille pour le lendemain, quasiment. Donc, je demande à ma chère étante si elle peut venir, si elle veut venir avec moi, parce que j'étais entre deux tournées d'artistes à récupérer. Puis avec cette date-là, bon, je voulais pas y aller tout seul et tout, et puis... bon, elle veut pas venir, elle y était... Donc, on y va spécialement pour le jour-là. Hein, on n'y va pas le vendredi, on y va le samedi. Je fais appel à une amie pour venir avec moi, la petite Françoise. Et on arrive, donc on part sous la pluie battante. On arrive, je ne sais pas pourquoi. On est parti à l'heure, Marcus. On est parti à l'heure pourtant. Hein. Ce n'est pas de ma faute si on n'est pas parti à l'heure. Non, ce n'est pas ça l'important. C'est à quelle heure tu arrives. Ouais, alors justement, on est à la bourre, à Saint-Étienne, des cordes en montant le long de Saint-Étienne pour aller à Craponne, là, dans la montagne. Des cordes, le camping, le petit camping près de la chaise Dieu où on va toujours. Ah oui, plutôt, ouais. La route était barrée, donc on part dans les champs en suivant les traces de voitures pour que les gens. Bref, on arrive, on plante la tente en pente dans les deux sens. Hein. Génial. Hein, donc, tout vite, on la jette et on repart à Craponne. Hein. On se dit, on va arriver juste une demi-heure avant, avant Emilio Harris, ça va être parfait. On arrive. Et là, donc, tu as déjà vu une ville où il y a plein de pluie, il y a eu plein de pluie l'après-midi. Y a non, personne... mais je connais très bien le site de Craponne. Il n'y a personne dans les rues, mais par contre, il y a les calicots partout. C'est et ça. On se dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, on cherche la pancarte du parking. Et puis, comme ça fait ça fait un paquet de temps que j'y suis pas allé, pas de pancarte de parking, on se dit, c'est quand même bizarre. Donc, on cherche la rue pour y aller, au pif, à peu près, on se souvenait à peu près où il était. Et là, on arrive derrière le lieu du festival. Backstage, t'avais pas de... Derrière le truc backstage, mais personne. D'accord. Et on regarde dans le champ, personne. Et on regarde sur scène, personne. Il y avait juste une tente, la tente de backstage, avec des gens qui faisaient un espèce de repas dedans. Et là, on se dit, bah zut, ça a dû être annulé, le festival. Alors, on avait regardé, la petite Françoise avait regardé en y allant. Elle disait, je réserve des places maintenant. Je lui dis, non, il y aura des places sur place, c'est pas la peine, etc. Donc, elle regarde tout. Hein. Moi, j'avais regardé le programme avant de partir. Et là, je dis, c'est bizarre, il y a peut-être une annulation. Je lui dis, bah regarde, puisqu'avec les cordes qui étaient tombées, l'orage, tout, il y avait peut-être une annulation de festival. Tout le terrain avait glissé, il est en pente. Tout le terrain avait glissé, mais il n'y avait rien. Il y avait, tu sais, dans les boutiques tout autour, il n'y avait rien. C'est bizarre. Et elle regarde. C'était pas le bon jour, c'était pas le bon week-end. On s'est planté d'une semaine. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est forcément. On y allait une semaine avant. Non. Alors c'est un record à battre. Hein. Ça c'est quand même extraordinaire. Une semaine avant. Et le week-end d'après, bah, j'étais pris, je ne pouvais pas y aller. Mais une semaine avant, on est arrivé. Donc, nous sommes allés ça s'arrange pas, au Puy-en-Velay. Elle a bien fait de ne pas venir, Pascal. Hein. Attends. Elle a dû se marrer. Elle. Je te raconterai en aparté. Et on a été au restaurant, on a bien ri. C'est un record à battre. Hein. Qui fera mieux. Et après, vous avez dormi dans une tente complètement en pente et sous la flotte. J'ai pas dormi parce qu'en plus, mon chac de couchage n'avait pas de fermeture éclair. Et que ça se situe à environ à 700 mètres d'altitude. Ouais, ouais, et à 700 mètres d'altitude, en été, il fait 5, 6, 7 ouais, degrés, ouais. 8 degrés le soir, la nuit. Donc voilà. Excellent. Excellent. Il faut le faire. Quand non, même, mais hein. Ça, franchement, je vous jure. Après, je me suis vengé. Je suis allé voir Elliot Murphy. Je pense que je l'ai vu au moins deux fois, moi, au Festival de Grand. C'est un habitué. Hein. Alors, il vient tous les 2-3 ans. Il vieillit quand même. Et je trouve que la voix n'est plus la même, surtout sur l'album. Mais au bout de 2-3 chansons en concert, il prend le truc. Ouais. Et. Il est très agréable. Il y a un truc dont je vous reparlerai. Il était avec une violoniste et une super violoniste. Et je me suis, vous écouterez le violon et je me suis dit, tiens, la nana là, si j'ai besoin d'un violon, je la contacterai. Parce qu'elle est d'ici ? Non, c'était une violoniste. Comme ça. Une violoniste, j'avais remarqué la violoniste parce qu'elle assurait, quoi. Quand il a annoncé Mélissa Cox de Paris, je me suis dit, tiens, elle est de Paris, donc ça peut être intéressant si j'ai un groupe qui vient, de trouver une violoniste qui est vraiment dans qui a le feeling pour ça et qui est dans le ton. Et je vous raconterai après. La suite. La oui. Suite. Musique. Donc nous allons écouter Chelsea Boots. Alors, il s'achète des boots pour le jour. Où il sera mort. Ah ben, ma foi, qu'à le faire comme ça. Hein. Des chaussures correctes aux pieds, quoi. Hein, que les gens ne le voient pas. Bon, pas ses chaussettes trouées et ses doigts de pied pas lavés. En chaussons et en basket. Box and take them home again. Chelsea boots. It's a long walk home when you got no roots. Chelsea boots, my Chelsea boots. Wherever I go, I'm coming back. Là, là, ben, ouais, on n'a pas énormément écouté, mais on a fait que rigoler. Donc, franchement. Alors, ouais. Si vous avez une invitation de Philippe, vérifiez les infos. Vous refusez. Non, c'est exceptionnel. Mais attends, mais alors tu dis que la copine qui était avec toi, elle vérifiait si on pouvait prendre des mais places. Personne elle a jamais vu que c'était pas la bonne personne date. Personne n'a vu. Moi, j'ai regardé le c'est truc. Incroyable. J'ai regardé le incroyable. Le truc et en fait, bon. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Bon. Et oui, c'est comme ça. Donc on vient d'écouter Elliot Murphy. Et oui, du coup on a nous moyennement écouté, mais bon. Ouais. C'était, t'es sûr que c'est celle-là que t'as passé ? Je sais plus. Enfin. Lui, il a passé celle que tu lui as passée. Hein. J'ai un doute, mais bon. Mais t'as pas écouté. T'as si, fait que si, rire. Si. Oui, j'ai fait que rire. Que rire. On revient à Alejandro Escovedo. Oui, on revient à Alejandro Escovedo, exactement. On va mettre un morceau qui va être un petit peu plus rock. Alors, je vous préviens, il est long. Hein. Il fait 7 minutes et demie. 7 minutes et demie, c'est parfait. I wanna be your dog. Je veux... dog. Now I wanna be your ça change de l'autre morceau. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien les contrastes. Ça déménage. Hein. Et c'était donc. Toujours Alejandro. Alejandro et Rodrigo, ouais. Oui. Ouais. Je l'ai bon. Il est bon. Il est bon. Tu l'as jamais vu en concert. On parle que des gens qu'on a vus en concert, en fait. Hein, ce soir. C'est bizarre. Non. Oui, mais lui, je l'ai pas vu. C'est dit, j'ai failli le voir, mais je travaillais. C'est terriblement frustrant. Avec Joe qui était disponible ce soir-là, et enfin c'est ma voiture qui l'a emmené, on allait en concert à Thionville voir Jess Klein, qui reviendra en octobre. D'accord. Avec son mari, excellent. Mike June, qui a joué, qui a fait la première partie dans un bar dont je ne fais pas la publicité parce que c'est un soi-disant un bar à vin café-concert, mais elle est... Il n'y a aucun respect pour les artistes. La table est à... Enfin, l'artiste, il joue à 20 cm de la table, de gens qui n'ont rien à foutre, qui discutent, parce que c'est... Ah, d'accord. C'est pas au chapeau, je ne sais pas comment ils sont payés et tout. Et Jess, elle a arrêté au bout de 4 chansons, parce que... elle est rentrée chez elle. Personne n'écoutait, donc Mike avait fait... Son mari avait fait son choix avant. Je suis pas convaincu par Mike June en concert, mais j'ai été agréablement surpris par l'album. C'est bizarre, hein. Des fois je dis allez voir les lives parce que les albums ne représentent pas toujours l'artiste, ouais. Et là je dirais l'inverse. D'accord. C'est-à-dire qu'avec un bon groupe, ça serait hyper efficace. Et donc cet album-là, qui date de 2012, je crois, était enregistré à Austin. Et ça sonne parfois comme s'il avait été enregistré à la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas si tu as vu la série Trémé, dont j'ai souvent parlé. Non. C'est vraiment ça, c'est des musiciens, bande de copains qui se retrouvent... Des bandes à moitié improvisées. Ouais, pour jouer chacun un instrument dans un studio. On ne sait pas trop si le studio est fermé ou ouvert. Enfin, c'est très particulier. Et le morceau que j'ai choisi, eh ben, je ne m'en souviens plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est Babe, I ain't perfect. Babe. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Baby. Well, the first time we met, it was a shot in the dark. Looked at you, mama, and I felt a spark. Babe, I ain't perfect, but maybe I'd be perfect for you. No, you've been having second thoughts, baby, even after all the flowers that I bought. Babe, I ain't perfect, but maybe I'd be perfect for you. back home. Your mama's saying I'm a little too old. I'll keep you warm when you get cold. And always giving my hand to hold. So while you're sitting there questioning my intentions, shoot a smile in my direction. Babe, I ain't perfect, but maybe I'm perfect for you. All I want in this world is to be your man. So my darling, consider this, how I long and I live and I hunger for your kiss. Babe, I ain't perfect, but maybe I'd be perfect for you. Well, I'll never stop admiring you from afar. I won't ever stop telling you how beautiful you are. Babe, I ain't perfect, but maybe I'm perfect for you. Now, babe, I ain't perfect, but maybe I'll be perfect for you. Sympathique, non? Ouais, ouais, ouais, très sympa. Alors maintenant? Ah, maintenant, c'est Marcus qui se jette à l'eau. Oui, oui, franchement, bon, grosse surprise pour moi, je ne connaissais pas. J'ai découvert un morceau comme ça. On a eu la chance d'aller la voir à Nancy Jazz Pulsation cette année. Marcus et moi. Et moi, personnellement, j'ai adoré, flashé, machin, tout ce qu'on veut. Je suis tombé amoureux. Complètement, ouais. Elle a une présence sur scène, elle est toute seule au piano. Voix piano. Elle a une voix, mais alors mon ami. Ça te remplit une salle avec plein de poils hérissés sur les bras. Alors c'était la soirée où il y avait Charlélie Couture, c'est que ça, personnellement j'aime pas du tout, mais Nancy était là pour Charlélie Couture. Sauf nous. Or, elle a eu un accueil du public, mais je veux dire, les gens l'ont découverte, je pense. Hein. Pour moi, la plupart des gens qui étaient là, ils venaient pour Charlélie Couture. Oui, bien sûr. Oui. Et le public a été extraordinaire. Enfin, c'est elle qui a été extraordinaire. Elle a complètement conquis tout le monde, quoi. Absolument. Et puis il y a pas eu besoin de longtemps. Ça marchait dès le départ. Premier morceau, il y a eu un moment de ah. Tu te prends une bombe dans la figure là, et puis alors après t'es emporté. Non, c'est franchement une merveille. Sarah McCoy, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Trop bon. Ah ouais, excellent. Puis elle est jeune, hein, on va l'entendre encore. Oui. Elle peut que grandir, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Your lover's side. We are beautiful stranger. You know I ain't asking now for forever, now, not ever, just an idea. Yes, and I've seen you taking them cautious steps now, an oyster shell. I've seen you taking a whimsy smile at the desk on a whiskey shelf. We are beautiful stranger. I know I can't keep you here, but I should want you for myself. And baby, well, it may be the problem I have always had. Well, I will fall for a man that I simply cannot have. And I'm gonna find you on some blue Valentine's Day. Excellent choix, Marcus. Ah ouais, ça me rappelle une bonne soirée en plus. Hein. Très, très... Enfin bref, moi j'ai repris la vraie claque. Ouais, au fond du cœur, là, on se le prend. Tu penses qu'elle a quoi, une trentaine d'années, à tout casser? Elle a une voix. Ouais, extraordinaire. Toute seule, vas-y, elle te remplit de... Elle te remplit tout l'espace, alors que l'espace est gigantesque. C'était jusqu'au ciel, hein. Et t'as les poils tout droits sur les bras. J'ai rien contre ce qu'on a vu après. Kenny Lynn était pas mal. Comment? Kenny Lynn, bluesman. Oui, c'est ça. Mais ouais. Ça, même pas l'orteil. Mais non. Ben oui. Ah non, elle a joué en tout premier, hein. Elle a fait l'ouverture de la soirée, elle a emporté tout le monde, mais... Et on est bien d'accord. La moitié du premier morceau, quoi. C'est souvent ingrat, quand même. Ben oui. Et là... Ouais. Nous, au moins, on a fait partie des gens qui sont barrés au milieu. Oui, c'est ça. J'ai dû tenir 10 minutes. Ah oui. Ouais, moi, j'ai dû rester deux morceaux pour... Enfin bref, bon, on s'en fout de ce mec-là, on va pas en parler. Alors, on enchaîne avec Élise Paul. C'est un garçon. Qui était architecte et qui a commencé à faire des petites musiques de films et qui finalement s'est mis à la chanson. Donc le morceau que j'ai choisi, c'est le Midnight Strikes Too Soon. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, par contre. Je n'en ai même pas la moindre idée. Les cordes du milieu de la nuit. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Bon, c'est pas très grave. C'est un peu pop folk. Bon, vous verrez bien. Cab like she's hailing a storm into the streets of New York City. Once we're inside, it's a carnal ride that brings a white knuckle kind of dizzy. She takes me up on a rooftop framed by a backdrop of water tanks and chimneys. She's wrapped around a cigarette, lecturing etiquette while I look into windows beneath me. Took inside her day and it was medicine. And when nighttime came, the skyline just swallowed the moon. Kathy lays the blame on Thomas Alva Edison. And 60 million light bulbs telling New York that it's noon. Oh, midnight strikes too soon. Says in New York City, they throw their wishes in the wells. You can't see a star unless one hit you when it fell. And if even you caught one, I say, who could you tell in this whole damn town? Believe me. She smiled like a cat would to a pigeon on the roof. She says, I look in the windows for universal truth. And we drank in the moment like whiskey 100 proof. If Orion fell, she said, I didn't tell you. And the view from the roof can make your head just spin. It was like holding up the world in a tablespoon. And we drank it down, every light in town, like the sweetest, kindest medicine. Made my wish on a satellite dish, but still midnight strikes too soon. Oh, midnight strikes too soon. Never seems to slow down. She's a hurricane working a skyscraper town. She says I'm suburban bound, but the truth is I live on the highway. I come to the city for the solace of a roof. Every window tells a story in cold hard truth. As the world spins beneath me, I'm asking for proof that I'm living my life in my own way. For time just has its own say. Midnight strikes too soon. Hey, midnight strikes too soon. Yeah, midnight strikes too soon. Hey, midnight strikes too soon. Yeah. sympathique. Ouais, voilà, c'est cool, c'est bon. Hein? C'est ouais, sans plus, mais si, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu nous mets? Eh bien, on revient à Elliot Murphy et sa violoniste. Ah, la fameuse violoniste. La violoniste que je me disais, bon, les coiffures, cheveux propres. Excellente violoniste, j'ai trouvé. Hein, qu'est-ce que viennent faire les cheveux propres là-dedans? Bah, tu verras par la suite. Ah bon? Puis je me suis dit, tiens, de Paris, je pense que le nom, j'avais mal entendu. Et puis, tu sais, machin, Cox, Paris. Bon. Voilà, et puis bah, on va la réécouter parce que... yes. Enfin, on écoute le morceau. Et tu nous racontes après. Et je vous raconte après. Promis, promis juré. C'est les trucs, le monde est petit, tu sais, le monde est très petit. sympathique, ouais, hein, ouais. Sympathique, ouais, Elliot, ouais, Murphy. Ouais. Alors, la petite histoire, c'est qu'en fait, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, quand White Horse est venu en tournée, là, et qu'ils sont passés au grattoir, entre autres, sur le concert de Paris, il y avait une artiste qui était canadienne à l'origine, je ne sais pas si elle est canadienne vraiment, et qui était venue avec nous, qui était amie d'une amie à Melissa McClelland, une autre Melissa, et qui était venue manger avec nous après le concert. Bon, ils avaient discuté, tout ça, super sympathique et tout. Et puis, après un certain nombre de verres, d'alcool, elle me dit qu'elle est violoniste et musicienne, etc., et qu'elle jouait, qu'elle ça l'intéresserait, que je la fasse tourner, de venir dans l'Est et tout, qu'elle jouait avec un autre musicien. Et moi, j'ai écouté sur YouTube ce qu'il faisait. C'était pas enthousiasmé. En plus, je me suis dit, si c'est une fille qui boit beaucoup d'alcool, parce que avec un, bon, vous voyez bien qu'elle était quand même accro aux boissons alcoolisées. C'est pour ça que je te parlais de cheveux, le cheveu gras. Une queue de cheval, enfin coiffée comme... Bon. Sapé comme l'as de pique, bien que peu importe le vêtement des gens ou autre, c'est pas ça le problème. Mais première impression n'était pas hyper favorable. Pas favorable, et en plus, ce qu'elle faisait. Et puis elle m'a relancé plusieurs fois, et je crois encore l'année dernière, et à chaque fois j'ai évité en lui renvoyant un message. Et puis je me souvenais plus du tout de son nom. Je savais, voilà, je la visualisais, je me souvenais plus de son nom sur les 2-3 mails qu'elle m'a envoyés. Et puis ce matin, en préparant l'émission, j'ouvre le carnet de l'album d'Elliot Murphy, et puis je regarde les musiciens, puis je me dis, tiens, Melissa Cox, ça me dit quelque chose. Alors Melissa Cox, ça me dit quelque chose. Et puis je vois les photos, et pris sous cet angle-là, je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est elle. C'est elle. Comme quoi, je dis, le monde est vachement petit, et des gens qu'on n'avait pas envie d'entendre à un moment donné comme violoniste, parce qu'on ne la trouvait pas excellente, et on trouvait un jeu crin-crin, banal et tout, en quelques années, elle a acquis une finesse de jeu qui fait que... Tu vas la remettre sur tes tablettes, quoi. Non, pas la remettre sur mes tablettes, mais je... Voilà, c'est un truc sur, ouais, lequel on peut faire confiance. C'est bizarre. Hein, ouais. Bah, les gens peuvent évoluer. Elle ne m'a pas reconnu, et moi non plus. Il y avait trop de verre. Si ma mémoire est bonne, Melissa Cox, on l'a déjà passé dans le jukebox. Hein. Non, non, mais pas des morceaux à moi. Alors, c'est pas moi. Non, non, non. Non, non, non, non. Je crois bien. Moi, Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Peut-être l'oublier. Mais elle n'a pas fait d'album, elle a jamais joué. Elle a joué avec un duo, avec un autre mec, un Écossais, je crois, ou un Irlandais, mais... Non, je suis étonné. Bah, peut-être, je peux me tromper. Je pense que tu te trompes, Marcus. Pour une fois, c'est moi qui ai raison. Non, tu penses. Je pense avoir raison. Est-ce que tu sais où on en est ? Pas du tout. Hein ? T'as plus rien, là, à te mettre sous la dent. On a rien. McLeod. Non, on va passer. Ah bah j'ai que ça moi. Ouais, mais c'est pas ça, c'est Mark O'Connor et c'est Sophie qui va le présenter longuement pendant que tu mets l'album. Oui, sauf que voilà. Je ne sais plus trop quoi dire, j'ai un peu tout oublié, à vrai dire. Voilà, parce qu'on avait prévu un certain nombre de morceaux, et puis Joe n'étant pas là... On avait prévu de laisser de la place à Joe. Voilà, on a été obligé de rajouter des morceaux. Alors moi, avant de partir de la maison, j'ai attrapé un ou deux disques comme ça. Bon, j'aime beaucoup Mark O'Connor, mais sauf que... voilà, c'est le numéro 4, si tu veux bien, parce que c'est un morceau que Loulé a choisi, donc ça doit être bon. C'est encore ses annotations à lui sur le disque. Voilà, après... tu sais dire des tas de choses, toi, sur Mark O'Connor. Non, très peu, mais voilà. La pochette est jolie. La pochette est absolument très jolie. Voilà. Très radiophonique, tout ça. C'est très radiophonique. C'est ça. Bon, il a joué. Et c'est pour ça que tu vas mettre le morceau. Il a joué avec Chris Mann, il a joué avec des tas de gens, il a fait pas mal de bluegrass, c'est un peu touche à tout. Voilà. Thank you. morceau de guitare, là. Ça vous va? Oui, oui, mais c'est pas n'importe qui, Mark O'Connor. Ça. Non, non, pas vraiment. Ah, alors là, il jouait sur ce morceau-là avec Tony Rice, Dan Crary, David Grisman, excusez du peu, quoi. Oui, hein, oui. Hein. Et puis Bill Amatnick, mais là, je connais pas, à la basse. Celui-là, je connais pas. Bon, David Grisman, mandoline, et puis trois guitares. Ça le fait quand même, hein. Oui, ça hein le fait. Ça le fait. Non, non, c'est vraiment excellent. Donc voilà, M. O'Connor, bon, on en repassera éventuellement un autre. Hein. Alors moi, je suis retourné après le Festival des Granges. Donc il y a Amanda Rome qui est passée pas au festival, mais au Cabaretier, puisque maintenant ça s'appelle le Cabaretier. Le Cabaretier Garance, oui, ça fait longtemps que ça s'appelle. Oui, non, comme mais ça s'appelle mais... la salle hors festival, ça s'appelle le Cabaretier Garance. Le Cabaretier Garance. Et puis pour envoyer super l'ascenseur, parce que Pascal et Fanny sont des gens formidables, et puis qui se battent pour faire tourner des artistes un peu différents. Oui, mais ils ont du mal financièrement, ils rament, hein, ils sont un peu comme moi. Donc, ils fonctionnent aux sponsors. Beaucoup. Non, non, il n'y en a plus du tout. Ils n'arrivent plus à en trouver parce qu'ils ont fonctionné comme ça très longtemps. Il n'y a plus personne, c'est vraiment. Oh là là. Les budgets sont hyper serrés, on en discutait encore. Et donc. Il passait Doug McLeod. Alors Doug McLeod, c'était un bluesman qui est booké par l'équivalent de ce que je fais en France, mais elle le fait. C'est Karen Proem ou je sais plus. C'est Karen. Non, c'est une autre. C'est Sandra Judema, une néerlandaise qui fait tourner des artistes américains aux Pays-Bas. Et elle fait tourner Doug McLeod. Moi, j'avais déjà écouté, c'est du blues, mais les vidéos, alors paradoxalement, les vidéos et l'album ne m'avaient pas convaincu. Et puis j'ai été... alors, j'ai eu du mal avec les trois premiers morceaux, parce que je trouvais qu'il jouait mal de la guitare. C'était pas propre ce qu'il faisait, qu'il n'était pas dedans, voilà. Puis les trois premiers morceaux, bon, alors j'y vais en le sachant, mais pour j'emmène l'ami Rémi avec moi, et puis pour une manière à renvoyer l'ascenseur, quoi, à dire voilà, je soutiens, j'y vais, mais bon, et puis c'était le Beaujolais nouveau, donc je me suis dit, hein, c'est l'occasion de goûter le Beaujolais nouveau. Donc j'y vais, trois premiers morceaux. Bon, c'est voilà, quoi. Et puis les morceaux suivants, je suis rentré dedans. Un truc. C'est pas dans le sens où. Il se passe un truc, tu te dis. T'es sur le cul, quoi. C'est-à-dire, t'es captivé par ce qu'il fait, mm-hmm. et tu rentres dans les morceaux. Et tu te dis, on va écouter déjà un premier morceau. Alors ça, c'est un morceau enregistré sur un album. Enfin, enregistré, c'est pas du live. Déjà, on va commencer à voir un peu le talent de ce mec-là. Et puis après, je vous raconterai la suite parce que c'est un truc assez étonnant. Like one I ain't really ever, ever known. Think about a woman that loved me. That's the only thing that girl did wrong. I got a lonesome feeling. Like one I ain't never known. She left me and she found somebody new. I know that's an old story. That don't make it less true. don't blame her. You see, I do the same thing too. Oh, it's a lonesome feeling when you can't make right what you did wrong. It's a lonesome feeling when you can't make right what you did wrong. You know, it's a very lonesome feeling when love is gone. Donc sympathique Duke McLeod, hein. Ah ouais, ouais, ouais. C'est, très, très c'est bien. Quand même assez sympathique. Alors ce mec là donc on va écouter après plus tard des morceaux live et il y avait Jean-Jacques Janot, un journaliste qui a une émission sur Radio Déclic d'ailleurs, et qui me dit t'as cette histoire de ce mec là je viens de l'interviewer, tu verrais c'est un géant. Il a plusieurs prix de blues. Il est écrit pour B.B. King et consorts. D'accord. Et en fait, donc je suis allé chercher sur Wikipédia. Il a, j'ai vérifié tout à l'heure, il doit avoir trois awards, trois blues awards de blues acoustique. C'est B.B. King et d'autres musiciens, c'est un blanc, hein, qui sont venus lui demander d'écrire des chansons pour lui. Que c'est un formidable storyteller. Alors ça fait tilt parce que, on verra ça plus tard. Mais c'est une sommité dans le monde du blues acoustique, mais qui est pas très connu en France, qui a envie de tourner en France d'ailleurs, et qui a un style très très particulier. C'est-à-dire que moi, au fur et à mesure du concert, j'ai eu l'impression de retourner aux sources ouais. du blues, c'est-à-dire ouais. Un blues où c'est l'histoire qui est la plus importante et où la manière de jouer de la guitare fixe la rythmique. Mais t'as pas besoin de maîtriser parfaitement l'instrument, quoi. Tu peux jouer sur. D'ailleurs, on a l'impression qu'il est constamment désaccordé. Jouer sur trois notes, quoi. Ou qu'il est constamment désaccordé avec sa guitare. Alors sa guitare, c'est quand même un Dobro, donc une guitare avec résonateur de marque nationale. C'est un modèle qu'il a conçu lui-même pour National Guitar, qui est quand même la guitare de référence historique aux États-Unis des guitares avec résonateur. Hein, c'est Dobro. Du Dobro, c'est eux quasiment l'inventeur du Dobro. Et il a un modèle qui porte son nom, quoi, qui, sur lequel il a travaillé, alors électroacoustique. Et là, on se dit, le bonhomme, il y a quand même quelque chose. Et c'est surtout. Alors par moments, il y a des morceaux qui me font penser à Keb Mo, mais surtout, à un moment donné, quand on rentre dedans, on plonge dedans, on l'écoute, j'étais quoi, à 5, 6, 3 mètres, 4 mètres, et on se dit, putain, le blues, il n'y a pas besoin de trucs extraordinaires à faire, il n'y a pas d'effet à faire. C'est vachement naturel, quoi. T'as pas des grands solos de guitare déchirantes qui y a pas besoin d'en rajouter, quoi. C'est sobre. C'est dans la voix, c'est dans la manière de vivre l'histoire que tu racontes. Et puis, je me suis mis à comprendre ce qu'il racontait, ce qui est pas banal, quoi. Moi qui suis nul en anglais, j'ai compris les deux tiers de ce qu'il racontait, quoi. Et c'est costaud ce qu'il raconte par moment. On en discutera plus tard. Là, on va repasser à Joan Chele, qu'on a écouté tout à l'heure sur un morceau assez cool. Là, c'est un peu plus enlevé, toujours avec sa très jolie voix. Mm-hmm. Et puis, on verra la suite après. Don't make me make up a story. Don't make me say what this is. Where we to go once we've described it? And what do you think when I say, isn't this sweet? When I say, isn't this right? When I say you should be with me this time. And if you're at all like me, you'll reach and feel for the edges, pull at the seams to show the weakness. And what do you feel when I say, let's leave it be? When I say, oh, we'll be fine. When I say we would always change our minds. Just a game will break you. We've seen the best of us fall. The push and pull that drives it all. And what do you think when I say, isn't this sweet? When I say, isn't this right? When I say you should play with me this time. What do you feel when I say, let's leave it be? When I say, oh, we'll be fine. When I say we would always change our minds. Don't make me make up a story. Don't make me say what this is. C'est bah dis donc, c'est court. C'est court, mais c'est bon. Ouais. Ouais. Sympathique, Joanne Chélé. Alors, pour revenir à Doug McLeod, je tiens deux conversations pour vous dire. deux conversations, mon opération du off et puis on. Et on. Donc, Doug McLeod. Et voilà, donc Doug McLeod, un grand bonhomme. Et on va écouter un morceau en live qui va vous donner une idée un peu plus précise de son, style de jeu de guitare. Qui est assez particulier parce que sur cet album, il est tout seul. C'est-à-dire que tout ce que vous entendrez au niveau de la rythmique, au niveau du jeu de guitare, lui, il fait tout ça. Alors en même temps, il a un jeu, il frappe avec la paume de sa main sur la guitare, il a un toucher d'une certaine manière de certaines cordes. Comme un vieux bluesman de la New Orleans. Et il marque la rythmique avec le pied. Enfin, tu te dis. Et tu rentres dedans un peu à peu. La salle dans le sang. Enfin, c'est un truc. Viens voir la bouille qu'il a. C'est un truc assez particulier, quoi. C'est pas photogénique, mais c'est un blanc avec les cheveux frisés. et c'est un raconteur d'histoire. C'est vraiment un raconteur d'histoire. Il a une bonne bouille. Dans la prochaine chanson, enfin pas dans celle-ci, mais dans celle qu'on écoutera après, c'est vraiment ça, quoi. Tu peux envoyer, Marcus, le morceau s'appelle Je ne sais plus, c'est toi qui as la pochette. Oui, tiens, je te la redonne pour le cas. Donc le morceau s'appelle Bad Magic, c'est ça? Non, In the Blue Evil. I won't take you from this city in Holland I can't pronounce. To a little place called Tawana, Virginia. Halfway between Norfolk and Richmond. If you go there, they call it Tawana. That's all right. But the old man I learned it, he called it Tawana. I said, that's all right. He's sitting in his house, all tore down except for his kitchen. One circular table with a lamp on it. Little dog by the name of Lemon by him. He wearing slacks, wife beater t-shirt, nice shoes. And he's gonna tell you about this stuff as the night comes in to Little Hamlet, Virginia. Evil people here. The evil eyes on you, bad magic. Don't you know it's true? Ooh, if you don't watch yourself, son, they're gonna evil eyes on you. My woman. Laugh at the devil cause she got no God. See one eyed owl fight like a alley dog. You look in her eyes but you ain't never see her soul. She a long time story y'all that few ever know. Bad magic. Don't you know it's true? You don't watch yourself. Lies on you. Either. myself, son. They're gonna evilize on you. My partner say, that woman you got, Douglas, she sure is rough. I said, you ain't lying, man. I've had enough. He said, I got a way, partner. You can make her gone. You just make a wish on this black haired bone. Bad magic. Don't you know it's true? Ooh, if you don't watch yourself, man, they're gonna evilize on you. Old worn-out man, he walked it road. He said, boy, there's things I believe you should know. I want you to hear my words, cause my words are true. There's evil people here making evil lies on you. Bad magic. Don't you know it's true? If you don't watch yourself, they're gonna evil lies on you. Talk moon honey, chicken blood. Gooba dust, and the mystery mud. Then it's a mojo hand, and a black cat bone. Says, son, just leave that stuff alone. Say, boy, just leave it all alone. Je sais pas si tu as entendu toutes les sonorités qu'il fait en même temps en jouant. Et là, ce qu'on va entendre, et en plus, ouais. Alors, ce qu'il raconte aussi, c'est on n'écoutera pas le morceau parce qu'il est tout à la fin. Il était abusé quand il était jeune. Encore un. Et son père lui expliquait, enfin son père, la personne qui l'a abusé, lui expliquait que c'était normal puisque la personne qui l'a abusé avait déjà été abusé. Ben voyons, il faut transmettre le flambeau. Et tout l'album, son dernier album, parle de ça, quoi. Et en fait, de son histoire et de ça. Il a réussi à le transcender comme ça, ben dis-moi. Ouais, et quand il a eu un fils, le premier réflexe qu'il a eu, il s'est dit, il faut que je... Il s'est coupé les... Non, ouais. Enfin, les mains. Non, il s'est dit, il faut que je brise la chaîne, quoi. Eh ben oui. Et il en a fait une chanson, mais il raconte tout ça. Alors, bizarrement, il raconte tout ça en anglais. Mm. Et j'ai réussi à comprendre. Faut dire aussi qu'il explique pendant le spectacle. Mm. Donc, alors je te dis, ça monte en transcendance, puis t'es plus en plus dedans, dans la rythmique, c'est quelque chose... C'est un espèce d'envoûtement, c'est vachement bizarre. Hein. Et en même temps, tu dois avoir quand même une belle dose d'émotion dans ce... Et c'est un raconteur d'histoire. Là, on va l'écouter sur le morceau qu'on va entendre. Je suis désolé. Il est hors de question. Un morceau de 14 minutes. On va en écouter les 3 premières minutes. Juste la mise en jambe. Non, la mise en voix, la mise en parole. Et donc. Tu sais quoi, on le passera après le générique. Non. Tu veux pas le couper, toi, Marquis, c'est ça hein? Ben, non, ben non, dans ce cas-là, on vous dit au revoir tout de suite. Non, mais ouais, c'est une histoire. Si t'as que le début, je vois pas l'intérêt de l'histoire. Et le truc, c'est que pendant le spectacle donc, qui avait lieu en France, parce que bon, j'ai les nouveaux, au début, les gens parlaient, tu vois, et puis ensuite, ça commence à se taire quoi, quand le truc arrive. Et il dit comme vous comprenez pas bien l'anglais, comme je sais que vous ne parlez pas anglais, que vous ne comprenez pas l'anglais, je vais parler plus lentement. Et réellement, tout ce qu'on va entendre là, qu'il y a quand même du débit, il l'a fait très lentement. Et avec mon mauvais anglais, j'ai compris, quoi. Alors, il raconte l'histoire d'un train, le New Panama, et de l'histoire des bluesmen, donc des gens qui ont... de l'histoire de ce train qui le fascinait quand il était petit parce que c'était le voyage, c'était aussi pas la crise de 29 de partir, mais voilà quoi, c'était une période où les États-Unis étaient pauvres et où les gens voyageaient en train sans billets dans des... et voilà, donc on va écouter ce morceau, on vous dit au revoir et non, je crois que t'as mal compris, on va te dire au revoir voilà, oui. Au revoir. Et dans 15 jours où on écoutera le morceau en entier en débutant l'émission. Voilà, on va écouter les trois premières minutes du morceau. Et non, on n'a même plus le temps d'écouter les trois premières minutes. Si, ça va aller. Doug McLeod, vous n'avez pas. Ah non, il veut mettre le générique, lui. Eh ben oui, parce que c'est la fin de l'émission. Ce n'est pas de la censure, c'est... C'est un formatage pour l'artiste. Bon, ben écoute... Ouais. Non, mais on le passe en premier à la prochaine émission. Mais c'est bien de laisser du suspense. Bon. Les auditeurs, nous vous encourageons à nous retrouver dans 15 jours, même heure. Voilà. Et on commencera par Doug McLeod. C'est dommage. Alors, petit rappel quand même, Jukebox, c'est un jeudi sur deux, de 20h à 22h, voire de 20h à 21h30. Rediffusé le samedi minuit et le mardi 16h. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.